Chapitre 5. Au café, au Grand Neuf, sur le boulevard, je vais. Tout le monde y va. La belle race arienne circule. Au café, au Grand Neuf, sur le boulevard, je dessine, je regarde, j'écoute sans attrait. Au café, les tables de marbre invitent le crayon. Les glaces agrandissent la foule. Le monde est là, sans choix. Sans choix aussi, je dessine. Tout est beau, tout est laid. Tiens, voilà une tête que je connais. Où diable l'ai-je vue? Le profil est anguleux et je cherche qui cela peut être. Ah, j'y suis, c'est moi. Je me résigne sans tristesse. Je me croyais mieux. La vérité, au Grand Neuf, madame dit, que prenez-vous? Du champagne, n'est-ce pas? Et moi, plus modeste, je réponds, donnez-moi du peppermint. Elle, parée, odorante, crasse verveine, prend une chopine. Là aussi, les glaces renvoient le visage des hommes, des femmes. Ce n'est pas beau. Et je figure à côté de l'étaïre. L'amour embellit, dit-on. Je m'efforce d'être convaincue. Impitoyablement, mon crayon s'y refuse. La vérité. Souvent, très souvent, le nègre, demi-nègre, quart de nègre, capre même, gouverne aux colonies qui ne les ont pas vues naître. Instruit souvent, intelligent même, il reste nègre, demi-nègre, quart de nègre, capre même. Le coq de la Gaule, l'ancien maître devient esclave et ne chante plus son cocorico d'autrefois. À son tour devient souverain maître le corbeau d'Éthiopie qui croasse. Allons enfants de la patrie, le joug de gloire est parmi nous. Durant mon séjour à la Martinique, un nègre, demi-nègre, quart de nègre, capre même, vint à se disputer avec un bordelais, de là insulte. Le bordelais exigea le duel qui fut accepté par notre nègre, demi-nègre, etc. Et rendez-vous fut pris dans la canne à sucre. Les témoins étaient de part et d'autre des quimbois, c'est-à-dire des porte-chance. Notre bordelais, sur le terrain, eut la colique, et, excuse faite de l'accident, il alla dans la canne à sucre déboucler son pantalon. L'opération, il faut croire, fut assez longue, car les témoins impatientés vinrent à la rescousse. « Comment ? » dit notre bordelais. « Le nègre, demi-nègre, n'est pas encore parti ?» Dites-lui bien, 50 ans, il restera. 50 ans, je chierai. Les Bordelais n'aiment pas les nègres, demi-nègres, quart de nègres, capres même. Un journal à Tahiti qui ne serait pas politique ne serait pas respectable. Élections à Tahiti, c'est synonyme de picpus contre l'ours de Berne. Me voilà donc, il aurait cru, devenu picpus pour ne pas être suisse. D'un bord, sale calotin, de l'autre, vil sectaire. Par paillot, jamais, jamais de ma vie, même lorsque je fis ma première communion, je ne fus aussi catholique et j'eus raison. Vous allez savoir comment. J'en étais là, lorsque je me dis qu'il était temps de filer vers un pays plus simple et avec moins de fonctionnaires. Et je songeais à faire mes malles pour aller aux Marquises. La terre promise, des terres à ne savoir qu'en faire, de la viande, de la volaille, et pour vous conduire par-ci par-là, un gendarme doux comme un mérinos. De ce pas, le cœur à l'aise, confiant comme une pucelle qui serait barrée, je pris le bateau et j'arrivai tranquillement à Atuana, chef-lieu d'Ivaoa. Il me fallut singulièrement en rabattre. La fourmi n'est point prêteuse, c'est là le moindre défaut, et j'avais l'air d'une cigale qui aurait chanté tout l'été. Tout d'abord, les nouvelles à mon arrivée furent qu'il n'y avait point de terres à louer ou à vendre, sinon à la mission, et encore. L'évêque était absent, et il me fallut attendre un mois. Mes malles et un chargement de bois de construction restaient sur la plage. Durant ce mois, j'allais, comme vous le pensez, tous les dimanches à la messe, forcé de jouer mon rôle de vrai catholique et de polémiste contre les protestants. Ma réputation était faite, et mon Seigneur, sans se douter de mon hypocrisie, voulut bien, parce que c'était moi, me vendre un petit terrain rempli de cailloux et de brousse au prix de 650 francs. Je me mis courageusement à l'œuvre, et grâce encore à quelques hommes sous la recommandation de l'évêque, je fus installé rondement. L'hypocrisie a du bon. Ma case finie, je ne songeais guère à faire la guerre au pasteur protestant, qui d'ailleurs est un jeune homme bien élevé et d'un esprit très libéral. Je ne songeais pas non plus à retourner à l'église. Une poule survint, et la guerre fut allumée. Quand je dis une poule, je suis modeste, car toutes les poules arrivèrent sans aucune invitation. Mon seigneur est un lapin, tandis que moi je suis un vieux coq bien dur et passablement enroué. Si je disais que c'est le lapin qui a commencé, je dirais la vérité. Vouloir me condamner au vœu de chasteté, c'est un peu fort. Pas de ça, Lisette. Couper deux superbes morceaux de bois de rose et les sculpter genre marquisien ne fut qu'un jeu pour moi. L'un représentait un diable cornu, le père Paillard, l'autre une charmante femme, fleur dans les cheveux. Il suffit de l'avoir appelée Thérèse pour que tous, sans exception, même les enfants de l'école, y vissent une allusion à ses amours si célèbres. Si c'est une légende, ce n'est toujours pas moi qui l'ai créée. Mon Dieu, que voilà des potins! Et si jamais je retourne à Paris, je pourrais d'emblée me présenter comme concierge et lire tous les matins le feuilleton du Petit Journal. D'ailleurs, ici, nulle conversation n'est possible, si ce n'est potiner et dire des cochonneries. Dès le berceau, l'enfant se tient au courant. C'est, à vrai dire, toujours la même chose, comme le pain quotidien. Pas toujours spirituel, mais cela repose des travaux d'art, la pensée folâtre, le corps aussi. Les femmes sont simoniennes sans discuter, puis cela vous préserve de l'ennuyeuse austérité et de la vilaine hypocrisie qui rend les gens si méchants. Une orange et un regard de côté, cela suffit. L'orange dont je parle varie de 1 franc à 2 francs. Ce n'est pas vraiment la peine de s'en priver. On peut à son aise faire son petit sardanapale sans se ruiner. Le lecteur doit sans doute chercher l'idylle, car il n'y a pas de livre sans idylle, mais ceci n'est pas un livre. À l'interprète indigène, j'ai dit « Mon garçon, comment dis-tu en langue marquisienne une idylle ?» Et il m'a répondu « Que vous êtes rigolo !» Poussant plus loin mes investigations, je lui ai dit « Quelle est l'expression pour dire vertu ?» Et en riant, ce brave garçon m'a répondu « Vous me prenez donc pour un imbécile ?» Le pasteur lui-même raconte que c'est un péché, et les femmes, comme des biches étonnées, au regard velouté, semblent dire « C'est pas vrai !» Une parisienne dirait « cause toujours ». Je sais bien que là-bas, à Paris comme en province, les fonctionnaires en congé vous en racontent d'extraordinaires. N'en croyez rien. Ici, les monstres sont naturels. Ils voient bien, sans en avoir l'air, que nos casques sont ridicules et que nous vantant du contraire, nous sommes de fiers cochons. Ils promettent, disent-elles, et ils ne tiennent pas, autrement dit, ça ne biche pas. À part cela, ils se foutent de nous comme Colin à tampon. Si vous rencontrez jamais au Helder ou un autre bousin, un gouverneur qui s'appelle Ed Petit, admirez-le, car c'est un rude serin. Figurez-vous qu'autrefois, commissaire à bord du Hugon, il vint aux marquises, fit pas mal de mariages comme celui de Lottie, et, fier de l'une d'elles, il voulut se payer la tête de sa belle-mère, qui résidait à quelques pieds sous terre, dans cette charmante île qu'on nomme Taoata. On gratta, on déterra, et comme notre commissaire voulait emporter la fameuse tête, le beau-père s'écria « Combien de piastres ?»« Ça n'a pas de prix, » répondit notre spirituel commissaire. Rien de plus entêté qu'un beau-père qui veut des piastres et la fameuse tête réintégra son domicile éternel. Comme le petit pousset, notre commissaire, par mégarde, sema des petits cailloux sur sa route, et la nuit déroba la tête convoitée. Le missionnaire, vigie qui ne laisse rien passer, fit une plainte écrite, et le commandant du Hugon, tout à fait courroucé, apprit à notre commissaire qu'une belle-mère, c'est sacré. À son examen à l'école coloniale, on lui fit cette demande. Quel est le moyen d'équilibrer un budget? C'est très simple, il faut le ruiner. Allez donc coloniser. Un journal américain nous apprend que le président McLean, assassiné, est mort d'après l'avis des médecins par faute de vitalité. Ici se pose une question de procédure, manque de vitalité, n'est-ce pas un vice de forme? Et alors dans ce cas, n'aurait-on pas de chance de gagner en allant en cour de cassation? Cet extraordinaire gouverneur qu'on nomme Ed Petit écrit au ministre. Aux marquises, la race disparaît de plus en plus. N'y aurait-il pas lieu de nous envoyer le trop-plein de la Martinique? Ceci écrit après la catastrophe du volcan. Cela ressemble un peu à cette aide de camp qui vient trouver l'empereur Napoléon Ier. « Sire, 100 000 hommes vous attendent en bas. N'y aurait-il pas lieu de les faire remonter par le petit escalier dérobé ?» Et Napoléon Ier de répondre « Dites-y qu'ils entrent, mon bon !» Si au Helder ou autre bousin, voire même aux Folies Bergères, vous rencontrez Ed Petit, dites-lui qu'il n'a pas son pareil. Dieu que j'ai si souvent offensé m'a cette fois épargné. Au moment où j'écris ces lignes, un orage tout à fait exceptionnel vient de faire des terribles ravages. Dans l'après-midi d'avant-hier, le gros temps qui s'accumulait depuis quelques jours prit des proportions menaçantes. Dès 8 heures du soir, c'était la tempête. Seul, dans ma case, je m'attendais à chaque instant à la voir s'écrouler. Les arbres énormes qui, aux tropiques, ont peu de racines sur un sol qui, une fois détrempé, n'a plus de consistance, craquaient de toutes parts et tombaient sur le sol avec un bruit sourd. Surtout les maillors, arbres à pins qui ont un bois très cassant. Les rafales ébranlaient la toiture légère en feuilles de cocotier, s'introduisaient de tous côtés, m'empêchant de tenir la lampe allumée. Ma maison démolie avec tous mes dessins, matériaux accumulés depuis 20 ans, c'était ma ruine. Vers 10 heures, un bruit continu comme un édifice de pierre qui s'écroulerait attira mon attention. Je n'y tins plus et je sortis dehors de ma case, les pieds aussitôt dans l'eau. À la pâle lueur de la lune qui venait de se lever, je pus voir que j'étais ni plus ni moins au milieu d'un torrent qui charriait les cailloux venant se heurter aux piliers de bois de ma maison. Je n'avais plus qu'à attendre les décisions de la Providence et je me résignais. La nuit fut longue. Aussitôt le petit jour, je mis le nez dehors. Quel étrange spectacle que, dans cette nappe d'eau, ces blocs de granit, ces énormes arbres venant d'on ne sait où. La route qui était devant mon terrain avait été coupée en 2 tronçons. De ce fait, je me trouvais sur un îlot enfermé moins agréablement que le diable dans un bénitier. Il faut vous dire que ce qu'on nomme la vallée d'Atuana est une gorge très resserrée en certains endroits où la montagne forme muraille. En pareil cas, toutes les eaux des plateaux du haut descendent à pic dans le torrent. L'administration, toujours peu intelligente, a fait là juste le contraire de ce qu'il y avait à faire. Au lieu de faciliter l'écoulement des grandes eaux, elle a fait juste le contraire en barrant de toutes parts avec un amoncellement de cailloux. De plus, sur les bords, même au milieu du torrent, Elle laisse pousser des arbres qui, naturellement, sont renversés par les eaux et forment autant d'instruments de démolition, renversant tout sur leur passage. Les maisons dans ces pays chauds et pauvres sont de construction légère et un rien les renverse. Autant d'éléments de désastre. La raison n'est donc rien pour qu'on la foule de pareille façon. Déjà, il n'est plus question que de reboucher sommairement les trous faits par le torrent. Mais des ponts, où est l'argent, l'éternelle question? Où est l'argent? Qu'on nous laisse, nous, simples colons, gérer nos affaires, employer nos fonds à des ouvrages utiles, au lieu d'entretenir tous ces employés insolents et médiocres. On verra alors ce que peut devenir une petite colonie. Je dis une petite colonie, comme celle des Marquises. Macaz a résisté et lentement nous allons tâcher de réparer les dégâts. Mais à quand la prochaine inondation? Le journal des voyages, auteurs autorisés, la géographie de Élysée Reclus, nous ont fait la description des Marquises avec leurs côtes inaccessibles, leurs montagnes à pentes rapides, granitiques. Je ne veux rien ajouter de mon cru, ce ne serait pas scientifique. Je veux vous parler des Marquisiens, ce qui sera assez difficile aujourd'hui. Rien de pittoresque à se mettre sous la dent, jusqu'à la langue qui, aujourd'hui, est abîmée par tous les mots français mal prononcés. Un cheval, chevalé, un verre, verra, etc. On ne semble pas se douter en Europe qu'il y a eu, soit chez les Maoris de la Nouvelle-Zélande, soit chez les Marquisiens, un art très avancé de décoration. Il se trompe, monsieur le fin critique, quand il prend tout cela pour un art de papou. Chez le Marquisien, surtout, il y a un sens inouï de la décoration. Donnez-lui un objet de forme géométrique quelconque, même de géométrie gobine, il parviendra, le tout harmonieusement, à ne laisser aucun vide choquant et disparate. La base en est le corps humain ou le visage surtout. On est étonné de trouver un visage là où l'on croyait à une figure étrange géométrique. Toujours la même chose et cependant jamais la même chose. Aujourd'hui, même à prix d'or, on ne retrouverait plus de ces beaux objets en os, en écaille, en bois de fer qu'ils faisaient autrefois. La gendarmerie a tout dérobé et vendu à des amateurs collectionneurs. Et cependant, l'administration n'a pas songé un seul instant, chose qui lui aurait été facile, à faire un musée à Tahiti de tout l'art océanien. Tous ces gens qui se disent cependant si instruits n'ont pu se douter un instant de la valeur des artistes marquisiens. Il n'y a pas la moindre femme de fonctionnaire qui devant cela ne se soit écriée « Mais c'est horrible, c'est de la sauvagerie !» De la sauvagerie, elles en ont plein la bouche. Mode surannée, tourte depuis les pieds jusqu'à la tête, commune de hanches, corset tripaillant, bijouterie en toc, coudes ou menaçants ou saucissonnants, elles déparent une fête dans ces pays. Mais elles sont blanches et leur ventre bedonne. Tout élégante, la population qui n'est pas blanche. Monsieur le critique se trompe considérablement quand il dit avec dédain des négresses. À moins que ce soit moi qui me sois trompé, les décrivant, les dessinant aussi. Lundi, ce sont des papous, l'autre, ce sont des négresses. Voilà de quoi sérieusement me donner des doutes sur ma valeur artistique. Loti, à la bonne heure. C'est charmant. Rétablissons un instant dans mon sens la désignation de cette race et nommons-la la race Maori, quitte à un autre plus tard, plus ou moins photographe, à la décrire et la peindre avec un art plus civilisé et plus vrai. Je dis bien, toute élégante, toute femme fait sa robe, tresse son chapeau, et lui met des rubans, en remontrer à n'importe quel modiste de Paris, arrange des bouquets avec autant de goût que sur le boulevard de la Madeleine. leurs jolis corps sans contrainte sous la chemise de dentelle et de mousseline ondulent gracieusement. Des manches sortent des mains essentiellement aristocratiques. En revanche, les pieds larges et solides, sans bottines, nous offusquent quelque temps seulement, car plus tard, ce serait la bottine qui nous offusquerait. Autre chose aussi aux marquises qui révolte quelques bégueules, c'est que toutes ces jeunes filles fument la pipe, sans doute le calumet pour ceux qui voient dans tout la sauvagerie. Quoi qu'il en soit, envers et contre tout, le voulant même, la femme maori ne saurait être fagotée et ridicule. C'est qu'il y a en elle ce sens du beau décoratif que j'admire dans l'art marquisien après l'avoir étudié. Puis ne serait-ce que cela? N'est-ce donc rien qu'une jolie bouche qui, au sourire, laisse voir d'aussi belles dents? Cela des négresses, allons donc. Et ce joli sein, au bouton rosé si rebelle au corset, ce qui distingue la femme maori d'entre toutes les femmes et qui souvent la fait confondre avec l'homme, ce sont les proportions du corps, une Diane chasseresse qui aurait les épaules larges et le bassin étroit. Si maigre que soit le bras d'une femme, il est toujours d'une ossature peu visible et souple et jolie de ligne. Avez-vous remarqué dans un bal les jeunes filles de l'Occident gantées jusqu'aux coudes, bras maigres, coudés, archicoudés, vilains en somme, ayant l'avant-bras plus fort que l'arrière-bras? J'ai dit intentionnellement les femmes d'Occident, car le bras de la Maori est le même que celui de toutes les femmes d'Orient, plus fort cependant. Avez-vous remarqué aussi au théâtre les jambes défigurantes? Ces cuisses énormes, les cuisses seulement, le genou énorme et en dedans, cela tient probablement à un écartement exagéré de l'emmanchement du fémur. Tandis que chez la femme d'Orient et surtout chez la Maori, la jambe depuis la hanche jusqu'au pied donne une jolie ligne droite. La cuisse est très forte, mais non dans la largeur, ce qui la rend très ronde et évite cet écart qui a fait donner pour quelques-unes dans nos pays la comparaison avec une paire de pincettes. Leur peau est d'un jaune doré, c'est entendu, et c'est vilain pour quelques-uns, mais tout le reste, surtout quand il est nu, est-ce donc si vilain que cela? Et ça se donne pour presque rien. Une chose, cependant, m'ennuie aux marquises, c'est ce goût exagéré pour les parfums, car c'est alors que le marchand leur vend une parfumerie épouvantable de musc et de patchouli. Réunis dans une église, tous ces parfums deviennent insupportables, mais là encore, la faute en est aux Européens. Quant à l'eau de lavande, vous ne la sentirez pas, parce que l'indigène, à qui il est défendu de vendre une goutte d'alcool, la boit aussitôt qu'il peut mettre la main dessus. Revenons à l'art marquisien. Cet art a disparu grâce aux missionnaires. Les missionnaires ont considéré que de sculpter, décorer, c'était le fétichisme, c'était offenser le Dieu des chrétiens. Tout est là et les malheureux se sont soumis. La nouvelle génération, depuis le berceau, chante en un français incompréhensible les cantiques, récite le catéchisme et puis encore rien. Vous m'entendez bien. Si une jeune fille ayant cueilli des fleurs fait artistement une jolie couronne et la met sur sa tête, Monseigneur se fâche. Bientôt le marquisien sera incapable de monter un cocotier, incapable d'aller dans la montagne chercher les bananes sauvages qui peuvent le nourrir. L'enfant retenu à l'école, privé d'exercice corporel, le corps, histoire de décence, toujours vêtu, devient délicat, incapable de supporter la nuit dans la montagne. Ils commencent à porter tous des souliers, et leurs pieds, désormais fragiles, ne pourront courir dans les rues de sentiers, traverser les torrents sur des cailloux. Aussi nous assistons à ce triste spectacle qui est l'extinction de la race en grande partie poitrinaire, les reins inféconds et les ovaires détruits par le mercure. Voyant cela, je suis amené à penser, rêver plutôt. À ce moment où tout était absorbé, endormi, anéanti dans le sommeil du premier âge, en germe. Principes invisibles, indéterminés, inobservables alors, tous par l'inertie première de leur virtualité, sans un acte perceptible ou percevant, sans réalité active ou passive, sans cohésion par la même, n'offrait évidemment qu'un caractère, celui de la nature entière sans vie, sans expression, dissoute, réduite à rien, engloutie dans l'immensité de l'espace, qui, sans forme aucune et comme vide et pénétrée par la nuit et le silence, dans toutes ses profondeurs, devait être comme un abîme sans nom. C'était le chaos, le néant primordial, non de l'être mais de la vie, qu'après on appelle l'empire de la mort, quand la vie qui s'en était produite y revient. Et mon rêve, avec la hardiesse de l'inconscience, tranche bien des questions que ma compréhension n'ose aborder. Soudainement, je suis sur la terre et au milieu d'animaux étranges. Je vois des êtres qui pourraient bien être des hommes, mais que peu ils nous ressemblent. Sans crainte, je m'en approche. Vaguement, sans étonnement, ils me regardent. Un singe à côté semblerait de beaucoup supérieur. Et, tirant une pièce de monnaie de ma poche, je la présente à l'un d'eux. C'est tout ce que j'ai trouvé de plus intelligent à ce moment. Il s'en empare, la porte à sa bouche, puis, sans colère, il la rejette. A-t-il pensé? Je n'ose l'espérer. Par moments, quelques sons rauques sortent de sa gorge comme d'une caverne, et dans mon rêve, un ange aux ailes blanches vient à moi, souriant. Derrière lui, un vieillard tenant dans sa main un sablier. « Inutile de m'interroger, me dit-il, je connais ta pensée. Apprends que ces êtres sont des hommes comme tu étais autrefois lorsque Dieu a commencé à te créer. Demande au vieillard de te conduire à l'infini plus tard, et tu verras ce que Dieu veut faire de toi, et tu trouveras qu'aujourd'hui tu es singulièrement inachevé. Que serait l'œuvre du Créateur si elle était d'un jour? Dieu ne se repose jamais. » Le vieillard disparut, et réveillé, levant les yeux au ciel, j'aperçus l'ange aux ailes blanches qui montait vers les étoiles. Sa longue chevelure blonde laissait dans le firmament comme une traînée de lumière.